tous, c'est Thierry Gallet, enfin, pour la saga des Fab Four numéro 611. Nous sommes le 2 octobre et l'album de la semaine, c'est l'album Abbey Road. Ça va donc être génial. On va écouter Something, Oh Darling, Octopus's Garden, Come Together, I Want You, She's So Heavy, et puis le medley à partir de You Never Give Me Your Money jusqu'à The End. Alors pourquoi pas Here Comes the Sun et Sun King? Parce qu'il y a des tout petits moments de blanc, donc on va éviter ça. Et puis une autre fois, on écoutera l'intégralité intégrale, quoi, si vous voulez. Là, c'est la quasi-intégralité de la face B. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, ce sera Oh Woman, Oh Why, la face B de Another Day, un single de 1971. John Lennon nous chantera Cold Turkey, le deuxième single alors qu'il faisait encore partie des Beatles, mais deuxième single solo en 1969. Harrison, ce sera Isn't It a Pity, il y a longtemps qu'on l'a pas écouté, sur All Things Must Pass forcément. Et puis on commencera avec, pour les Beatles, ce sera à nouveau Oh Darling. Voilà, je vais essayer de me remettre sur les rails, je pense que je vais y arriver. Et nous, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. À tout de suite. A pris du retard bien involontairement, on coupe un petit peu à 25 secondes pour gagner déjà ce temps-là. Voici Something sur RIG. George Harrison à son meilleur. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style. Something est une chanson des Beatles, écrite par George Harrison et parue sur l'album Abbey Road le 26 septembre 1969. C'est la seule chanson du guitariste qui se retrouvera un mois plus tard en face A d'un single couplé à Come Together de John Lennon. Ce disque atteindra la première place des hit-parades dans de nombreux pays, particulièrement aux États-Unis. Et autre fait inhabituel concernant ce single, le 31 octobre 69, il arrivait après Abbey Road, où les deux titres étaient déjà présents l'un derrière l'autre en ouverture de l'album. Something est également une chanson de Harrison à avoir atteint la première place des ventes alors qu'il a été membre des Beatles. C'est une des chansons de Harrison inspirée par son épouse d'alors, Patty Boyd, qui apparaît à ses côtés dans la vidéo promotionnelle tournée à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Abbey Road? Eh bien, la chose curieuse, c'est pas à vous les grands fans que je vais l'apprendre, c'est que il est paru chronologiquement avant les Teddy Bears, en 1969, les Teddy Bears en 1970, alors que d'un point de vue enregistrement, les Teddy Bears a été enregistré en début d'année, et puis est resté dans les placards jusqu'au mois d'avril de l'année suivante, et entre-temps, McCartney, entre autres, a dit « On fait un dernier truc, les gars ». Enfin, il n'a pas dit « On fait un dernier truc », parce qu'on a découvert récemment qu'ils envisageaient peut-être de faire autre chose. Et puis, quand McCartney s'est rendu compte que tout le monde partait chacun de son côté, il s'est dit « Bon, allez, hop, je plaque, on se barre, c'est terminé, on se casse ». Mais McCartney n'était pas content de l'album « Let It Be », qui ne s'appelait pas encore « Let It Be », c'était « Get Back ». Et il a voulu faire autre chose, faire au moins un truc bien. Il a rappelé George Martin, qui était fâché lui aussi, parce que ça a été un beau bordel, le Let It Be. Et il lui avait promis, on se tiendra bien, t'inquiète pas, et tout ça. Et ils ont fait Abbey Road, donc qui, en réalité, est le dernier album des Beatles. quand j'ai dit en présentation que... Bon, ben, je vous le dirai après, alors. Oh, décidément, ce soir. Cold Turkey sur la RG. Temperature's rising. Fever is high. Can't see no future. C'est ce que je voulais dire avant que la chanson se lance toute seule. J'ai dit que c'était le deuxième single solo de John Lennon avant la fin des Beatles. Oh, il n'a pas fait que ça, il a fait aussi deux grosses daubes qui s'appellent... trois albums même de musique expérimentale entre 68 et 69, dont le succès a été très limité. Tu parles, ça ne reflète pas du tout le talent de monsieur John Lennon, ça reflète plutôt le côté drogué ou un truc comme ça. Et c'était, vous savez, le fameux Unfinished Music numéro 1, Two Virgin, des trucs comme ça, mais ça n'a aucun intérêt, sauf celui de caler d'autres CD. Voilà. Mais il a fait un premier 45 tours qui s'appelait Give Peace a Chance, qu'il a co-signé Lennon-McCartney par habitude, alors qu'il était tout seul à le signer, cette chanson-là. Bon, il a fait aussi du temps les Beatles, tout comme McCartney, mais il n'avait pas osé, sur le moment, mettre John Lennon tout seul. Ce qu'il a fait pour ce deuxième single, avant la séparation des Beatles, cette chanson, Cold Turkey, McCartney n'en aurait pas voulu, parce que ça parle ouvertement de drogue. J'ai appris, je ne savais pas, que la dinde froide, Cold Turkey, c'est une autre façon de parler de désintoxication, ou un truc comme ça. Donc franchement, c'est pas ce qui aurait plu à Paul McCartney. Est-ce que ça ne fait pas pitié? Oh, ça y est, l'animateur qui revient dans les cales comme il faut, parce que isn't it a pity, c'est ce que ça veut dire. C'est George Harrison sur RIG dans la saga des Fab Four. Isn't it a pity? Other's hearts and cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore, forgetting to give back. Surrounds them. over this land to see me the world. I left my sweet girl and gave it a whirl, but now here I stand. Freedom should bring. I see me today and no yesterday, or I threw away my most precious things. I see me a man who's lonely, wants only to lose. Buku's a blue. Star en 1970, deuxième album de l'année, après avoir participé à celui de John Lennon, avec aussi fait des parties de batterie avec George Harrison. Il nous pond deux albums coup sur coup. Le premier, c'était Sentimental Journée, de son propre aveu pour faire plaisir à sa mère, des succès des années 30, 40, 50, même pas 50, 30, 40. Mais qui va très bien, qui vont très bien, ces chansons-là, à sa voix, à Ringo. Et puis, cet album enregistré en 15 jours à Nashville, il s'appelle Bokoops of Blues, et on a entendu le titre phare, Bokoops of Blues. Avant de parler des Beatles, je voudrais vous rappeler donc qu'on a écouté jusqu'à présent, tiré de l'album de la semaine, Something, puis il y a eu Oh Woman Oh Why, la face B de Another Day, un single en 71, par Paul McCartney, Cold Turkey par John Lennon et Harrison, je l'ai dit aussi, Isn't It a Pity, c'était le mix 2020 pour les connaisseurs, donc déspectorisé si on peut dire. Et puis Ringo, Bokoops of Blues, si vous voulez tout savoir sur les Beatles, il y a trois sites à consulter, deux français et un anglais international. Le premier c'est Maca Club où on parle de Paul McCartney forcément, à noter, alors n'écoutez pas si vous voulez rien savoir, qu'il a ajouté apparemment là dans sa tournée qu'il a recommencé, il a ajouté le dernier single, le single en flûte, il me revient pas, c'est quoi le dernier single? Now and Then, merci de me le souffler, Now and Then. Bon, je l'ai entendu sur YouTube, je pense que quand on sera dans la salle, ce sera meilleur, parce que sinon, oulalalala. Bon, enfin bon, bref, ne parlons pas de ça, parlons du McCartney qu'on aime, celui qui est en pleine forme. Et on en parle sur Maca Club, sur le net, sur le forum, et également sur Facebook, il y a un site Maca Club. Puis il y a le yellowsub.net, également un forum, également sur Facebook, on parle des Beatles, on parle de McCartney aussi, bien entendu, et de son actualité. D'ailleurs, McCartney a dit qu'il va bientôt nous pondre un nouveau CD, mais pour 2025. Hein, ceux qui ont dit que c'était pour le milieu du mois d'octobre, c'est une fake news, comme on dit. Voilà. Et puis, il y a le site de Lovely Rita, l'anglaise, qui est mondiale et peut-être universelle, si on fait attention. Qui est donc Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur les Beatles ou l'actualité de nos quatre amis de Liverpool, les tournées, les nouveaux CD, etc., Faites un tour sur BeatlesMagazine.com 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est aussi sur Instagram, Twitter ou X si vous préférez. Et également Pinterest. Pensez-y, des millions de visiteurs chaque jour, les émissions connues sur les Beatles répertoriées partout dans le monde. C'est BeatlesMagazine.com. Merci Lovely Rita et vive les Beatles, les Beatles, les Beatles. McCartney voulait avoir la voix écorchée pour ce titre. Il l'a eu. Il a chanté cette chanson à tue-tête pendant 7 jours avant l'enregistrement de façon à avoir la voix fatiguée. Et ça marche. En tout cas, c'est bien. Et John Lennon n'a jamais trop aimé cette version-là parce qu'il disait, le jaloux, le vilain jaloux, qu'il l'aurait chanté mieux. Mais il fallait essayer. Il faudrait qu'on ait une version chantée par John Lennon pour savoir. Bon, allez, c'est des petites engueulades pour rien du tout, en fait. Sur le même album, enfin plutôt la même année, Paul McCartney, tout en douceur, fournit une démo à une de ses copines, à lui. Et cette chanson figure sur la ressortie de l'album, le coffret, si vous voulez, Abbey Road. C'est Come and Get It sur RIG. You want it, here it is, come and get it.

When I look up, up, up in the evening, oh Lord, I know how many million miles they qu'est-ce que j'aime cet album. Quatre chansons pour le prix de deux. Tout d'abord, il y a eu Winter Rose Love Awake, puis il y a eu After the Ball Million Miles et puis Winter Rose Love Awake, toutes issues du même album, le chef-d'œuvre oublié malheureusement, même par son créateur Paul McCartney, puisqu'il ne nous a jamais chanté « So glad to see you here » en entrée de show, parce que après être revenu du Covid, ça allait de soi. Il fallait dire « Je suis content que vous soyez là ». Et il ne l'a pas fait, il ne m'écoute pas, Paul McCartney, c'est dommage. Je lui dirais par exemple d'arrêter de chanter « Maybe I'm amazed » ou alors de le chanter sur un autre ton, de façon à plus adaptée à sa voix. Bon, et cet extrait donc de « Back to the Egg » en 79, qu'est-ce que j'aime cet album. Allez, avant de revenir à l'album de la semaine avec une chanson signée Ringo Starr, ce sera « Octopus's Garden », nous avons le temps de nous passer un petit George Harrison en 75 sur l'album « Extra Texture, Read All About It ». Vous savez d'où vient le titre de cet album? Je l'ai dit maintes fois, mais c'est bien de le répéter pour les nouveaux auditeurs. Extra Texture, Read All About It était sur un paquet de pâtes. Et comme Harrison avait souvent du mal ou à trouver le nom d'une chanson ou surtout à trouver le nom d'un album, eh ben, il s'est servi de ça. Allez, ce sera Extra Texture, Read All About It. Et on écoute la chanson, la superbe chanson, The Answers at the End sur RIG. 90.7, la radio des Beatles. So En 1968, Ringo Starr est le premier à claquer la porte du studio des Beatles. Il en a marre. Il a l'impression que les trois s'entendent, mais pas avec lui. Quand il est allé voir Paul, Paul lui a dit « Ah non, mais moi j'avais l'impression que c'était vous trois qui vous entendiez, pas moi, avec vous. » Et puis quand il est allé voir John Lennon, il lui a dit la même chose. « Je pensais que c'était vous trois qui vous entendiez. » Et puis Harrison, pareil. Bref, il a voulu prendre des vacances. Il est parti 15 jours en mer et le capitaine du bateau lui a fait manger du poulpe. Ça lui a inspiré une chanson. Vous voyez où je veux en venir ? Elle est sortie l'année d'après, en 1969, sur l'album Abbey Road. Voici Octopus's Garden, qui ne serait peut-être jamais sorti si Ringo Starr n'avait pas piqué une colère et n'était pas parti se balader un petit peu. Il est parti une quinzaine de jours. Et quand il est revenu, il avait son drum kit, donc sa batterie, voilà, c'est le mot que je cherchais en français, quelquefois c'est l'anglais qui vient, qu'est-ce que vous voulez. Sa batterie couverte de fleurs en disant « Tu es le meilleur batteur du monde, tu es notre pote, etc. » Et c'était vrai, Ringo Starr, c'est un pote. Extrait de l'album de la semaine, Octopus's Garden sur RIG. I'd like to be under the sea. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. En 2021, Here's to the Nights avec Paul McCartney. On your face, getting back up and winning the race. Here's to taking it to extremes. Never losing faith in our crazy dreams. Together.

alone. Take a trip somewhere far, far away. RIG 90.7, la radio des Beatles. John Lennon faisait un retour à demi fracassant puisqu'il a partagé l'album avec Yoko en 1980 sur l'album Double Fantasy avec cette chanson clairement inspirée des années 50 et même on lui a dit que ça faisait un petit peu Beatles ce style-là. Il revendiquait le fait de sonner un petit peu Beatles, pourquoi pas. Les chansons de John qu'il y a sur cet album-là sont bonnes, soit très très bonnes comme celle-ci et Woman, quelle belle chanson. Évidemment, il l'a écrite pour Yoko Ono, mais il l'a rendue suffisamment universelle pour qu'on puisse, nous, la chanter à n'importe quelle femme qu'on aime. Voilà. Hein ? Un peu comme George Harrison qui, en 1979, sur un album dont il n'a pas cherché le titre loin, l'album s'appelle George Harrison, et ce titre merveilleux, Your Love is Forever, sur RIG. Et puisque l'album de la semaine, c'est l'album Abbey Road, sorti en 1969, je vous propose le petit plus qui est sorti dans le coffret. Voici une version de Here Comes the Sun, de George Harrison, forcément. Et cette version, c'est la 9e prise. And I say it's all right. John Lennon et Come Together sur l'album Abbey Road. Nous en arrivons à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou pendant leur carrière solo, et même si eux-mêmes faisaient la cover de quelqu'un d'autre, d'une autre, d'un de leurs pères, Chuck Berry, qui vous voulez. Bref, là, c'est un pote de George Harrison, tellement pote qu'il lui a piqué sa femme. George Harrison aurait dit: il vaut mieux que dans cette relation à trois, il vaut mieux qu'il y en ait deux heureux plutôt que trois malheureux. Et c'est comme ça qu'il a laissé partir Patty. Si c'est vrai, s'il a vraiment dit ça, chapeau, monsieur George Harrison, parce que ça ne doit pas être facile. Mais bon, je n'ai pas vécu ça. Voici donc Run So Far, une chanson que George Harrison avait écrite et qu'il avait donnée à Eric Clapton en 1989, avant de la reprendre sur l'album Brainwashed. On l'écoutera tout à l'heure. Lonely nights, blue guitar. Rock is good. Good, good, good, good, good. Don't you think? Three cheers for the girls. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Ça va être dur, hein, la fin de la saga des Fab Four, parce qu'on va écouter une grande partie de la phase B. Alors il va falloir qu'on termine à l'heure, et ça ne se coupe pas, la phase B d'un Beatles, surtout d'Abbey Road. Bon, donc dans une demi-heure, ce sera Eric et Johnny de A à Z avec un album en promotion. Ce sera, en album de la semaine si vous préférez, ce sera Rough Town. J'adore cet album. Voici la version de George Harrison qu'il a donc écrite avant, mais qu'il a cédé à Eric Clapton. Et c'est sur l'album Brainwashed, sorti en 2002. RIG 90.7, la radio des Beatles. Machine jusqu'au bout, le dernier extrait, enfin l'avant-dernier extrait de l'album de la semaine avant le medley, c'est I Want You, les Beatles. Driving me mad, it's driving me mad. que Paul McCartney ne m'en voudra pas trop, mais si on veut être presque à l'heure, il faut essayer de gagner du temps. Voici le medley final. All good children go to bed. Lullaby. Your and I will sing a lullaby. Once there was a way to get back home. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Impossible de couper ça, tu arrêtes le générique impossible. Quand tu veux. Merci beaucoup à tout le monde, à toutes et à tous. Et Eric, bonne émission. Merci. Tu coupes quand tu veux. À très bientôt.